Moi j'ai de la Bitibi, moi j'ai de la Bitatibi. Moi j'ai le pays qui est un arbre fort. Moi j'ai de pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf, le 13 février 1939, je suis né à Val d'Or en Abitibi. Dans ce pays qui est encore tout neuf, j'avions connu Arnès Turcotte qui vivait entre de beaux bruits, qui parlait aux ombres et aux tons, qui chaque matin choupe à ses bottes pour aller comme Tidio Hébert fond de la forêt avec ses nerfs. Qui avait Archibokso, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aube, pis du front tout le tour de la tête, pis qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, moi je viens de la Bitatibi, moi je viens de pays qui ont un ventre en or. Moi je viens de pays où ce qu'un poisson mort. Quand j'étais petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les boudons. J'allions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais petit, je suivions le ruisseau. Je jouais de l'arigano sur la rivière Harmonica. J'en monte au pont, c'est des gros chars. C'est ma petite scène qui venait en or. Dans un moment, je creusais mes os. Et dans la glace, j'écrivais ton nom. Et l'hiver à l'arena, on patina tout en temps. Les pieds près du lac Noé, on faisait semblant de rien. On vendait pour presque rien. En 1904, en Abitibi, dans mon pays. Moi je viens de la Bitatibi, moi je viens d'un pays qui a un ventre en or. Moi je viens d'un pays où qui neige encore. Dans mon pays qu'on dit hors de la carte, mon oncle et mon travaillaient sous la terre. Mais ils creusaient dans l'or sa propre mort. Mon oncle et mon nous ont mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi et par égo tout premier temps, on y gagnait beaucoup d'argent. Il y a de l'or en bord qui dort ici. Il y a même des poignées de porte en or. Cuivre en fer qui vont de l'autre bord. J'aime mieux jouer dans la fanfare pour les parties tout les pétards. Carvalhau et Chateaubriand, voilà qui rire avec mes pièces. Je reviens en contre les arts. Au pied de ma tête avec la petite. Sans doute un Abitibi dans mon pays. Let's go. Il a fait chaud dans le métro.